Narcos. Je veux être libre comme l'air, mon flot fluide comme l'eau. Je veux vivre sans me taire, remplir le vide avec des mots. J'aurais pu chanter la haine, rentrer dans les stéréotypes, frapper des idées malsaines, dire de tout niquer au type. J'aurais pu faire du R&B, raconter n'importe quoi, me saper comme un carry, faire le guignol devant toi. J'aurais pu choisir la violence et tomber dans l'illicite. Heureusement j'ai de la chance, j'suis entouré donc j'évite. J'aurais pu tomber dans la gueudreau, me mettre dans l'alcool, vendre aux gosses de l'héros, tirer des rails pour faire cool. J'aurais pu devenir raciste contre l'autre, avoir la rage. J'suis non violent et pacifiste, pour qu'avenir égale métissage. J'aurais pu naître avec le DAS ou avec un handicap, être un enfant de la DAS, aucune maladie rare me frappe. J'aurais pu ne pas naître en France, crécher dans un bidonville, un quotidien fait de souffrance, du Bangladesh jusqu'au Brésil. J'aurais pu prendre les armes au nom de la religion, prêcher la haine pour un défaut de lecture, commettre des actes au-delà de la raison. Mais je suis athée et libre, voilà ma valeur sûre. Ok, je veux être libre comme l'air, mon flot fluide comme l'eau. Je veux vivre sans terre, remplir le vide avec des mots. Je veux être libre comme l'air, mon flot fluide comme l'eau. Je veux vivre sans terre, remplir le vide avec des mots. J'aurais pu rester dans mon coin, me laisser porter par le système. Mais je me dois de marquer des points contre la vie et ses dilemmes. J'aurais pu être victime des médias sans réagir, boire leurs paroles, croire PPDA, penser qu'il remplit bien son rôle. J'aurais pu faire du rap parce que c'est la mode, sans être passionné, je te présente leur méthode. Aucune valeur si ce n'est la monnaie. J'aurais pu faire du dance floor pour que tu puisses danser en boîte, balancer du son qui bande fort, que les fashion disent que ça déboîte. Je veux être libre comme l'air, mon flot fluide comme l'eau. Je veux vivre sans me taire, remplir le vide avec des mots. Je veux être libre comme l'air, mon flot fluide comme l'eau. Je veux vivre sans me taire, remplir le vide avec des mots. Je veux être libre comme l'air, mon flot fluide comme l'eau. Je veux vivre sans me taire, remplir le vide avec des mots. Je veux être libre comme l'air, mon flot fluide comme l'eau. Je veux vivre sans me taire, remplir le vide avec des mots. Ok, on fait tous des choix dans la vie. Le plus important c'est de les assumer. Narcos, 2007, l'heure a sonné.